Les éditions de l'avenir présentent Les aventures de l'Estrade, agent très spécial par Christian Martin. Il parcourt toute la galaxie en quête du scélérat. Il affronte les bandes de malfrats en voie du pugilat. Il déteste les congés payés. Ce qu'il aime, c'est l'action. C'est pourquoi il est rassuré quand il voit son patron. L'Estrade, agent spécial. Il jubile, il frémit de joie quand il voit son patron. Il ramène toujours la rançon. Quatrième épisode, le club des longs couteaux. Dans les précédents épisodes, l'Estrade, agent très spécial, est chargé de retrouver la fille du ministre des Finances de Trajan qui a été enlevée en plein astroport devant plusieurs témoins. Son unique piste, la signature du propulseur du yacht ayant servi au ravisseur, le conduit à l'usine spatiale d'Issub, où il apprend que ce type de propulseur n'est vendu qu'aux chantiers spatiaux de Lubdox. Les s'y rend donc. Avec l'aide de Gus, il apprend que le yacht ayant servi au kidnapping appartient au comte Ratula, un habitant de la planète Geuse. Après avoir visité le Sanguin, le yacht spatial incriminé, et y avoir trouvé la preuve que la victime a bien voyagé à son bord, Les rend une petite visite officielle au comte afin de lui demander quelques éclaircissements. Peut-être le savez-vous, la fille d'un ministre de Trajan a été enlevée. Je l'ignorais. Je le déplore, croyez-moi. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Elle a été kidnappée à bord de votre yacht, monsieur. Non. Si. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez cela. Je n'ai qu'une explication, mon cher. Le vol. Le vol? En effet, mon cher. Mon yacht m'a été dérobé il y a près d'une semaine. Vous pouvez vérifier auprès des autorités de l'astroport un véritable piratage. Mais on vous l'a ramené? C'est bien là le plus troublant. Déjà, je faisais le deuil de mon bel appareil quand les autorités m'ont annoncé qu'on l'avait retrouvé, intact, sur Geuse même. Sur Geuse? Sur une aire d'un minuscule astroport désaffecté datant de la colonisation. A-t-on retrouvé les pirates? Malheureusement non, mon cher. Possède-t-on leur signalement, la moindre piste? Pas à ma connaissance. Est-ce possible? Le comte peut-il dire la vérité? Pourquoi m'a-t-il fait surveiller alors? Pourtant, si ses propos se voient confirmés par les autorités, je n'aurai d'autre choix que de le croire, et j'aurai perdu mon temps et la piste de la fille du ministre. Eh bien, soit. Merci de votre hospitalité, monsieur. Je vous en prie. Désolé de n'avoir pu vous être plus utile. Si vous avez de nouveau besoin de moi, n'hésitez pas. Je demeure à votre disposition. Merci, monsieur le comte. Ah, Igor, veuillez raccompagner monsieur Strade. Il nous quitte. Bien, monsieur. Je suis à pied. Hé ! Monsieur ? Je suis arrivé en taxi. Et bien sûr, il ne m'a pas attendu. Je suis donc à pied pour rentrer. Pouvez-vous me dépanner ? Un instant, monsieur. Monsieur le comte m'autorise à vous reconduire, monsieur. Merci. Ici, garçon, le comte affirme ne rien savoir. Rien du tout, vieux pirate. Et le vol de son yacht? Véridique. Selon ce que m'a dit un sous-chef du bâtiment administratif de l'Astroport cet après-midi, il existe effectivement un rapport officiel à cet effet. Tu viens donc de perdre ton principal suspect, garçon? Tout juste, mon Gus. Et de ton côté? Comme prévu, j'ai fouillé les archives de l'Astroport, celles de diverses satellites orbitangueuses, et aucune trace de départ, autorisée ou non, de l'Astroport désaffecté où l'on a retrouvé le sanguin. Ainsi, la théorie voulant que Gueuse n'eût été elle-même qu'une escale pour les ravisseurs ne s'est pas vérifiée. Apparemment pas, garçon. On peut donc en conclure que Tnarchalaval est encore sur Gueuse. C'est vraisemblable, en effet. Mais ça nous avance guère, puisque tu as perdu sa trace. Que comptes-tu faire? La retrouver, par 007, patron des espions. What? Mais comment, garçon? Comment? La ceinture portuaire Nord compte plusieurs de ces bars où se retrouvent les astros. Ça risque d'être long. Mais ce serait bien le diable si je n'arrivais pas à dénicher quelqu'un qui, quelque part, a vu quelque chose. On ne dérobe pas un yacht spatial comme on chaparde d'une carte d'identité, après tout. Sans compter que le retour du sanguin sort suffisamment de l'ordinaire pour avoir attiré l'attention. Avec un verre dans le nez, il y en a toujours un plus loquace que les autres. J'emporte le lot de la fillette. On verra bien. Comme tu veux, garçon. Il y a déjà 5 heures que je me tape les bistrots de la ceinture portuaire et toujours rien. J'en ai marre. Un dernier, je rentre au coup de peau pour roupiller, quitte à remettre ça demain. Le pied rond, drôle de nom pour une boîte. Foule. Excusez, pardon, poussez un peu, excusez. Le bar, enfin. Qu'est-ce que ce sera? Un cafard. Ça vient. Dites donc, mon vieux, une combinaison isotherme serait plus efficace pour vous protéger du froid de l'espace que tout cet antigel que vous ingurgitez. Tenez, et ça fera 10 crédits. Merci. En passant, vous avez vu cette fille? Nope. Tant pis. Rendez-moi cet holo. Vous avez vu cette fille? Où l'avez-vous vue? La pauvre petite fille. Oui, oui, je sais. La pauvre petite fille. Mais où l'avez-vous vue? Où l'avez-vous vue? Dans le vrou. Pauvre. Dans un grand corbillard. C'est un accident. Je jure. Pauvre Dalvro, par 007, C'est le nom de cet astroport désaffecté où l'on a retrouvé le yacht du comte. Sans doute mon poivreau d'ours mal léché s'y trouvait-il au moment où les kidnappeurs ont déchargé leurs victimes. Mais que toutes les divinités cosmiques me foudroient si je sais ce que le corbillard vient faire là-dedans. Où est-elle maintenant? Où est-elle? Mon gros astro est trop ivre. Si je veux qu'il m'en dise plus, je devrais le ramener avec moi jusqu'au coup de peau, lui injecter une sérieuse portion d'anti-ivresse et attendre qu'il reprenne ses sens. Déjà, le sortir d'ici sans le secours d'un chariot de chargement ne sera pas de la petite bière. Ses jambes ne sont sans doute plus en mesure de le soutenir. Eh bien, il faut ce qu'il faut. Allez mon gros, viens un peu ici. Ouf, lourdeau l'astro. Et maintenant me frayer un passage jusqu'à la sortie. Excusez, pardon, poussez un peu, excusez. Ah, voici l'escalier. La manœuvre risque d'être délicate avec le poids lourd que j'ai sur les épaules. Attention, garde-vent et hop. Réussi. Difficile d'appeler un taxi avec cette charge sur mon dos. Mais si je le dépose maintenant, je n'aurai plus la force de le reprendre. Oh oh, voilà quatre affreux qui, à première vue, ne me veulent pas du bien. Quoique, peut-être est-ce à mon ours qu'ils en veulent. Allez mon gros, tu vas par terre pour le moment. Bonsoir messieurs, belle nuit pour l'exercice, n'est-ce pas? C'est l'heure de la rigolade, les gars. Crash, cette voix, je l'ai déjà entendue, mais où? J'y suis, chez le comte. Le deuxième de mes adversaires, l'homme au turban plus très blanc, ne me dit rien. Mais j'ai déjà vu le troisième. Il s'agit du gros astro qui paraissait dormir sur la banquette du premier turbo que j'ai pris lors de ma petite visite clandestine au yacht du comte. À côté de ce mastodonte, mon quatrième adversaire aux dents longues paraît bien insignifiant. Alors les valseurs, vous vous décidez ? Au deuxième de ces messieurs. Au tour du mammouth. Le petit exercice se déroule plus rondement que je ne l'avais craint. Au quatrième larron. Que les trois autres, celui-ci. Ah, j'ai découvert la faille de ta cuirasse, dans longue. L'issue ne tardera plus, tu es à ma merci. Ah! Oh, par double 07, ce que j'ai mal au crâne. Quel est l'extrait de poivron fort qui s'est amusé à battre le tam-tam sur mon scalp? Oh. Gus? Oh. Apparemment, je ne suis pas à bord du coup de peau. Alors où suis-je? Crash! Tous mes os me font mal. Une ruelle? Je suis dans une ruelle. connais ce bâtiment. Le Pierron, par 007, ça me revient. La bagarre avec les quatre affreux. Pendant que je m'amusais avec le quatrième, un des trois autres m'a frappé par derrière. À première vue, les pas beaux s'en sont donnés à cœur joie après m'avoir mis KO. Ils n'ont pas ménagé les coups. J'ai l'impression d'avoir été broyé entre les dents d'un hippo de maraîche. Mais je suppose que je dois me compter chanceux d'être toujours vivant. Avec leurs grands couteaux, ils auraient tout aussi bien pu me transformer en hachis. Évidemment, mon ours a disparu. Et avec lui, la trace de la fille du ministre. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? Là où j'avais déposé mon ours, quelqu'un a perdu un manifeste d'embarquement au nom de Samiso, destiné au cargo Le Profit. Vu l'endroit où il est tombé, il est possible que ce document appartienne à un des malfrats qui m'ont transformé en purée. Il sera tombé de sa poche en voulant se charger de mon ours. Bien sûr, c'est plutôt mince comme indice, mais c'est tout ce qui me reste pour le moment. Bon, ce n'est pas tout ça. Il faut encore que je regagne le coup de peau et que je me soumette aux soins du robot médic. Gus va en faire une tête en me voyant revenir dans cet état. Eh bien, garçon, ils t'ont mis dans un de ces états, les corsaires. On le saura, vieux pirate. C'est juste la cinquième fois que tu le répètes. Parce que c'est vrai, garçon. Parce que c'est vrai. Ça a beau être vrai, Gus, je n'ai pas pour autant besoin de l'entendre aux 10 minutes. Tu as bien contacté l'Astroport? Bien sûr, garçon. Et? Ils n'ont fait aucune difficulté. Le Profit doit décoller de Gueuse à 18h10, heure locale. Et où peut-on le trouver en attendant? Ce n'est pas prudent, garçon. T'as vu l'état dans lequel ils t'ont mis? Tu les rencontres de nouveau, ils risquent de faire usage de leur long couteau, et alors, même le robot médic du coup de peau ne pourra plus rien pour toi. Gus! Crois-moi, vieille fripouille, je t'enverrai volontiers à ma place. Mais puisque c'est impossible, où se trouve le Profit? Secteur Beta, donc Alpha 12. Je m'y trouverai donc peu avant l'heure du décollage. Garçon! Nous n'avons pas d'autre piste, Gus. Ah, me voici à pied d'œuvre. Voilà le Profit. Apparemment, le chargement n'en est pas terminé. Tant mieux. Je préfère être en avance qu'en retard. J'ai ainsi plus de chances de voir passer le Samiso du manifeste d'embarquement. Trouvons une planque. Derrière ces caisses, ce sera parfait. Il suffit maintenant de quitter discrètement la compagnie de ces astros, débardeurs et autres personnels de l'astroport. Voilà qui est fait. Sans pépin. J'ai bien tout ce qu'il me faut? Oui. Mon paralysant est sous ma chemise et l'hyposeringue dans mon étui à ma ceinture. Je n'ai plus qu'à patienter. Crash! Il y a plus de 20 minutes que je poirote. Il est possible, j'imagine, que le manifeste d'embarquement n'appartenait ni à mon ours, ni à un de ceux qui m'ont passé à tabac, mais... Oh oh, voici une tête connue. Le lutteur sumo de la nuit dernière. S'agit de passer derrière lui sans qu'il me remarque. Salut mon gros. Tu fais bien de t'arrêter. C'est en effet le canon de mon arme que tu sens dans ton dos. Allez, avance. Par là. À l'écart. Qu'est-ce que vous me voulez ? Te flanquer mon poing sur la gueule me ferait plaisir. Mais je n'ai pas le temps de m'amuser. Profitons de sa paralysie passagère pour lui faire l'injection. C'est le genre de cocktail qui rend très loquace. Ah, il revient à lui. Tu peux parler ? Oui. Qui es-tu ? Sami So. Très bien. Voilà qui confirme un premier point. Pourquoi m'avez-vous attaqué, tes petits copains et toi ? Pour vous empêcher de parler au barbu. Le barbu ? Oh ! Tu veux sans doute parler de mon ours du Pierron ? Pourquoi ? Il savait des choses que vous ne deviez pas apprendre. Quelle chose ? Je ne sais pas. Bien ma veine. Je suis tombé sur un sous-fifre qu'on n'a pas jugé digne de mettre au courant. Dis-moi, Sami, tu faisais partie de la dernière expédition du Sanguin ? Oui. Quel en était le but ? Voyage de plaisance. À bord d'un yacht volé. Allons donc, mon gros. Tu me contes un holo roman ? En fait, non. Avec ce que je t'ai injecté dans les veines, tu n'as pas la possibilité de me mentir. Tu es juste trop bête. Où êtes-vous allé ? Chercher une copine de Naï sur une drôle de planète sous globe. Trajan. Et la copine de Naï ne peut être que la fille du ministre. On s'est bien amusé. Quel imbécile. Il n'a pas encore compris qu'il a participé à un kidnapping. Je me demande où en sont les préparatifs du profit. Crash ! Ils achèvent. Je n'aurai pas le temps de terminer mon interrogatoire. Il me faudra évacuer l'endroit avec Sami. Et vite, avant qu'on ne referme la bouche d'accès au turbo. Viens, Sami, allons faire un tour. Ah. Allez, mastodonte, avance, si tu ne veux pas être transformé en grillade. Crash. Nous sommes les derniers à réintégrer la bouche de turbo. Allez, Sami, assieds-toi là. Quelque chose cloche. La nébulosité du regard de Sami s'est partiellement dissipée. L'injection perdrait-elle déjà de ses propriétés ? En tout cas, chose certaine, il me faudra faire vite désormais. Paré au plus pressé. avant qu'il ne retrouve complètement ses esprits. « Dis, Sammy, où est la copine de Nye maintenant ?»« Je ne sais pas. »« Quand l'as-tu vue la dernière fois ?»« Au moment de la faire monter dans un gros machin sur roue noir. » Je m'en doutais. Un gros machin noir sur roue, le carrosse du comte Ratula. Toi ! Bonne nuit, Sammy. Allons, garçon, réfléchis. T'aventurer comme ça dans la gueule de la baleine, c'est beaucoup trop risqué. Il doit sûrement y avoir un autre moyen de récupérer la donzelle. Je suis ouvert à toutes les suggestions, mon vieux. Si tu en connais un autre, dis-le-moi. Arrête ! Tu me submerges de suggestions. Pourquoi ne pas agir dans les règles ? Contacte les autorités. Alors là, tu m'étonnes, Gus. C'est toi, vieux Forban, qui me dis d'agir dans les règles ? Tu crois que les autorités d'Ourmani m'accorderont facilement l'autorisation de fouiller la propriété d'un personnage important comme le comte ? Oh, bien sûr, si je fais intervenir tout le poids de l'agence, on finira bien par me la donner. Mais d'ici là, que sera-t-il advenu de la gamine ? Elle n'a déjà été que trop longtemps entre les pattes de cet aristocrate au goût douteux. Pas la barbiche de Satan, garçon ! Tu es plus têtu qu'un roche d'Irman. Au moins, emporte un communicateur et, en cas de pépin, appelle-moi ! Ce n'est pas une mauvaise idée. Je passe m'équiper dans mes quartiers. D'abord, revêtir ma tenue de camouflage. Armes, détecteurs, gadgets. Je suis prêt. Coup de peau. Gus ? Laissez-la ? Oui, mon amiral. Garçon, c'est pour toi. Brun, qu'est-ce qui se passe ? On a un sérieux problème, Les. On a ou j'ai un sérieux problème ? Je viens de recevoir un complément d'information sur le comte Ratula. Tu te souviens quand je te taquinais, te mettant en garde contre les morsures des gueusois ? Eh bien, ce n'est plus une blague. Le comte Ratula se nourrit de sang humain. Tu veux rire ? J'en ai l'air. Non, là, je dois l'avouer... Tu as ton air des mauvais jours, des jours de réunion avec les fonctionnaires du gouvernement. J'aurais parié qu'on venait de t'annoncer de nouvelles coupures budgétaires. Ce n'est pas le moment, Les. La maladie du comte le force à s'approvisionner à la source. Tu veux dire... Dans les veines d'une personne vivante. Le sang en conserve ne lui suffit plus. Eh ben, elle est forte, celle-là. Ce n'est pas tout. Il lui faut un type de sang particulier... aux propriétés particulières et rares. Si je te comprends bien, le sang de Tnarchalaval remplit toutes les conditions. Dans le mille, on a trouvé notre kidnappeur, Les. Ma propre enquête m'a mené aussi dans cette direction. Comme tu vois, je m'apprêtais à faire un saut chez Monsieur le Comte. Ne traîne pas en route, si tu veux ramener au ministre autre chose qu'une coque vide. Compris. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le 4e épisode de l'Estrade agent très spécial par Christian Martin, le Club des longs couteaux avec Christophe dans le rôle de l'Estrade, Kael dans le rôle de Gus, Fred dans le rôle de Brunierhead, Aldor dans le rôle du comte Ratula, Stanley dans le rôle de Chapeau Mou,